Bonjour à tous. Aujourd'hui, filet de julienne au citron vert pour 4 personnes. 4 filets de julienne de 150 g, 2 citrons verts, 40 g de beurre, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, sel et poivre. Rincez à l'eau le poisson, bien l'essuyer. Tranchez finement le citron vert. Chauffez la poêle avec du beurre plus huile d'olive. Déposez le poisson sur le beurre fondu. Rangez le citron autour. Laissez cuire à feu doux 15 minutes environ en arrosant régulièrement. Dressez sur assiette chaude le poisson avec les citrons autour, plus beurre de cuisson, quelques zestes de citron vert, garniture pomme vapeur, vin conseillé, un Bergerac blanc à boire avec modération.